Section 13 de Poésies allemandes, traduite par Gérard de Nerval. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johann. Burger de Sonnet. Sonnet. Mes amis, il vous est arrivé peut-être de fixer sur le soleil un regard soudain abaissé, mais il restait dans votre œil comme une tache livide qui longtemps vous suivait partout. C'est ce que j'ai éprouvé. J'ai vu briller la gloire et je l'ai contemplée d'un regard trop avide. Une tache noire m'est restée depuis dans les yeux. Et elle ne me quitte plus, et sur quelque objet que je fixe ma vue, je la vois s'y poser soudain comme un oiseau de deuil. Elle voltigera donc sans cesse entre le bonheur et moi. Oh, mes amis, c'est qu'il faut être un aigle pour contempler impunément le soleil et la gloire. Sonnet composé par Burger après la mort de sa seconde femme. Ma tendresse, comme la colombe longtemps poursuivie par le faucon, se vantait d'avoir enfin trouvé un asile dans le silence d'un bois sacré. Pauvre colombe, que ta confiance est trompée. Sort fatal et inattendu, sa retraite que l'œil ne pouvait pénétrer est incendiée soudain par la foudre. Hélas, et la voici encore errante, la malheureuse est réduite à voltiger du ciel à la terre, sans but, sans espoir de reposer jamais son aile fatiguée. Car où trouver un cœur qui prenne pitié du sien, près de qui elle puisse encore se réchauffer comme autrefois? Un tel cœur ne bat plus pour elle sur la terre. Fin de la section 13.